Oui. Nous avons avec nous derrière nous Chris Anera. On va écouter tout de suite Come Take My Hand. T'as vu, mon anglais commence à aller un petit peu mieux. Oh. Et on se retrouve juste après un interview exclusif avec Chris Anera sur le 96.2. Radio Arc-en-Ciel, surtout ne changez rien. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h aujourd'hui, samedi. Et on est heureux de vous retrouver donc sur le www.radio-arc-en-ciel.fr. C'est le site de notre radio. Arc-en-ciel, en harmonie, la FM en couleur. En couleur. Oui, Chris Anera, producteur de musique électronique, compositeur et chanteur français. Sa passion pour le chant vient depuis très très jeune, hein, et donc il s'essaie à l'électro dance music comme il se qualifie. Nous avons tout de suite avec nous Chris Anera. Bonjour Chris. Bonjour. Bonjour à tous. Et bienvenue sur Arc-en-Ciel. Alors là, on vient d'écouter un petit morceau de ta composition. Oui, c'est ça, ma composition. Je crois que c'est le troisième ou quatrième single. D'accord, alors d'où est-ce que ça vient? Canadienne. D'accord. Nadia Dolz, d'origine italienne, qui vit au Canada, et qui était un morceau plus club par rapport aux nouveaux qui sont qui ont été actuellement produits, comme le dernier Across the Oceans, qui est plus de style future bass, c'est-à-dire plus dans la tendance un peu rythme hip-hop, etc. Voilà. D'accord. Alors Chris, depuis tout jeune, donc tu t'essayes un petit peu à cette musique. Tu as commencé tout de suite par ce style de musique. Tu as eu une impulsion. D'où est-ce que ça vient tout ça? Pas du tout. J'ai commencé d'abord par le chant. J'avais 12-13 ans. D'accord. Voilà. Par le chant, et j'étais inspiré par des artistes comme le chanteur irlandais du groupe Boyzone, Ronan Keating. Donc je chantais beaucoup de variétés françaises et internationales. Et à l'époque, vous avez participé à l'émission Graines de Star. J'ai fait le Graines de Star Tour, entre autres, oui, et puis je faisais pas mal plusieurs concours qu'il y avait dans le sud de la France, quelques castings aussi sur Paris. Mm-hmm. Donc voilà, j'ai essayé vraiment d'y arriver, et puis il y a eu cette mode aussi des boys bands, etc., qui est venue un peu plus tard, puisque entre-temps, après le chant, 2-3 ans après, j'ai pris des petits logiciels qui étaient de premier prix pour m'essayer un petit peu au son trance musique, dance musique qu'on pouvait entendre à l'époque, comme avec le groupe 666, etc., que j'avais vu en concert d'ailleurs. Et ensuite, il y a eu la période To Be Free. J'avais 15-16 ans à cette époque-là. Et je voyais ces mecs-là sur scène. Je me disais, voilà, moi, je veux faire un truc comme ça. Et puis l'électro à la guetta, c'est venu quelques années encore après. J'ai dit, bon, c'est vraiment ça que je veux faire. Voilà, on cherche plus maintenant. Voilà. Quels sont vos aspirateurs justement en musique électro? Qui vous a donné envie d'arriver ici? Donc au niveau musique électro, vraiment des artistes comme Avicii, Calvin Harris. Les premiers albums de David Guetta m'ont beaucoup, beaucoup inspiré aussi. Martin Garrix aussi, j'aime beaucoup. Et voilà. Tous ces inspirateurs-là vous ont amené à la musique électro. Et en 2007, c'est-à-dire il y a tout juste 10 ans, vous entrez aussi dans l'univers du cinéma pour écrire des musiques aussi pour le cinéma, des courts-métrages et des séries télé. Alors c'était pas du tout pour des musiques, parce qu'en fait moi depuis très jeune c'est la musique et le cinéma qui me passionnent. Oui. J'ai dû grandir comme ça, je sais pas, c'est ma mère ou mon père, pourtant ils font pas du tout ça. Et puis je me suis formé dans la 3D, j'ai travaillé sur des séries comme Iron Man et Garfield. Ah là, vous travaillez sur l'image. Donc, j'avais pas, du coup, en lisant le studio, j'avais compris que c'était dans le son. L'image. D'accord. Voilà, c'est ça, il y a eu un break, parce que dans la vie... Vous avez plusieurs cordes à votre arc, c'est tout à votre honneur. Et du coup, en 3D, vous avez travaillé sur Iron Man et Garfield, ce que vous venez de dire à l'instant. Voilà, la série Iron Man et puis la série Garfield en suivant, derrière. Est-ce qu'il y a eu une suite aussi à cette aventure de l'image? Ou est-ce qu'il y en aura une? Je suis également instructeur dans la 3D, donc ouais, ça me plaît de former aussi des jeunes qui veulent réussir dans des gros studios et partir pour les États-Unis ou le Canada. Donc voilà, c'est aussi gratifiant d'avoir des élèves qui vous écoutent et puis qui font tout pour y arriver. Oui, vous enseignez aussi, où Je suis dans le sud de la, sud-ouest de la France. Là, je suis actuellement sur Lourdes, mais bon, je suis aussi sur Pau. Dans une école de cinéma? J'enseigne pour une école qui est en ligne et puis un autre projet de grosse école qui arrive en suivant. Voilà. Alors, retour à votre carrière de musicien et de musique électro en particulier. Quelle est votre actualité justement, les titres qui tournent en ce moment? Donc là, le dernier single, comme je disais, c'est donc Across the Oceans avec la chanteuse Adi qui était déjà sur mon premier single I Need It, qui tourne depuis plus d'un an, presque deux ans, entre le radio et TV. Et un EP de 5-6 titres est en préparation. Donc là, beaucoup de choses vont évoluer, beaucoup de choses vont changer, beaucoup de sons pop électro. Vraiment guitare, voix sur de l'électro. Ouais, un petit peu ses inspirations, hein, Avicii, etc. Mais voilà, vraiment une nouvelle équipe, un nouveau travail. Ça va être un bon 5-6 titres en préparation. En préparation. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'on écoute un autre morceau. Donc, à toi, Chris. Alors, bien, moi, je te propose I. Alors, mon anglais est toujours aussi bon. I pretend. I pretend. I pretend, oui. Avec John Long, oui. Eh bien, voilà. Eh bien, on écoute ça tout de suite et on se retrouve eh bien juste après sur Arc-en-Ciel avec Chris Anera sur le 96.2. Alors c'est Chris Anera avec John Long. Et alors là c'est le futur house remix qu'on a mis, c'est ça hein, Chris? C'est ça. D'accord. C'est ça, j'entends le départ, c'est ça. Voilà. Allez, on se retrouve. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel en harmonie. A ship without an ocean. Sitting alone in the dark, the ghost of the past, trying to forgive your mistakes. I pretend derrière nous, nous avons toujours Chris Anera avec ce morceau I Pretend et un featuring avec John Long. C'est une belle rencontre ce featuring. Comment est-ce que ça vient pour toi de trouver quelqu'un qui va correspondre un petit peu au morceau que tu prépares? Ben, il y a des plateformes donc grâce à Internet aujourd'hui qui existent et pour pouvoir travailler avec des artistes, chanteurs, chanteuses à l'étranger. Et je fais un peu le tri, j'écoute un petit peu les voix et ce qu'ils peuvent apporter en plus sur un morceau. Et en fonction de ça, c'est là que j'ai choisi l'artiste, le grain de voix, est-ce que ça va passer, est-ce que ça va être un peu trop juste, est-ce que... Voilà, et à partir de là, on contacte l'artiste, je lui envoie les paroles, je lui envoie donc les instrumentaux et on travaille et de là peut naître des choses sympas quoi. Est-ce que tu sais si tes morceaux ont déjà été diffusés dans différents grands clubs par des grands DJ aussi? Par des grands DJ, je sais pas. Je sais que ça a tourné en club. Ouais. Et ça tourne encore. Par de grands DJ, je sais pas. J'ai pas encore eu d'écho. T'as pas eu de retour, oui. Que tel ou tel DJ me joue. Oui. Ça, je sais pas. Donc Non, parce que c'est aussi important d'avoir ce petit retour qu'on peut avoir des grands DJ, parce que c'est vrai que bah, c'est quand on dit, c'est eux la valeur. Ouais, c'est sûr. En dehors de ça, mais vous avez quand même certains de vos titres qui sont dans le top 50 des sorties Progressive House, d'autres qui tournent sur nombreuses radios, qu'elles soient web ou Hot Mix Radio, Nice Radio, Radio Latitude, Agora FM, pour ne citer qu'elles. Oui. Donc ça tourne, oui. ça commence à tourner pas mal, tous ces titres-là. Déjà, le premier single à Inédit, c'est celui qu'on a retenu le plus, puisque il tourne encore. Et notamment en clip à la télé sur Cestar. Et notamment le clip voilà, sur Cestar depuis plus d'un an, donc déjà, sur l'émission, donc il y a spécial tous les samedis des sons club. Pratiquement, je dirais pas tous les week-ends parce que je suis pas non plus tout seul. Ça, c'est une belle vitrine pour vous, le fait que le clip passe à la télé comme ça. Ah oui, totalement. Et puis, ne serait-ce que quand vous examinez régulièrement vos Shazam, etc., vous voyez la différence d'un passage en TV et quand il se passe rien. Parce que le titre maintenant est reconnu. Connu et reconnu. Voilà, c'est-à-dire que connu et reconnu, après, bon, comme je dis souvent, je ne demande pas à être David Guetta ou Avicii d'ailleurs. Pas se comparer, mais faire que les titres fassent bouger et. Puis que ça tourne, que ça soit. Qu'un titre ne sorte pas et puis qu'on n'en fasse rien, parce que ça, c'est souvent le problème aujourd'hui. N'importe qui peut distribuer de la musique et puis. Si vous ne travaillez pas avec les bons outils et aussi malheureusement les bonnes personnes, vous allez mettre longtemps à marcher. Alors vous êtes dans la compo, est-ce qu'il vous est arrivé ou est-ce que vous avez l'ambition éventuellement un jour d'être le DJ devant une foule, un peu comme les artistes qu'on vient de citer là, qui sont dans ce type de musique-là? Oui, je fais quelques soirées comme ça, vous animez avec vos propres titres. Mes propres titres et puis les titres aussi internationaux que je joue donc dans certains festivals où on m'a déjà invité ou les soirées privées et voilà. Mais pour l'instant je tourne pas, j'ai pas encore beaucoup de dates pour tourner. Je suis plus un artiste on va dire qui diffuse en radio en TV, mais pas encore au niveau live. Si on veut suivre votre actu, voir vos prochaines scènes ou les prochains titres qui sortiront, où on peut te retrouver tout ça? Alors sur mon Facebook, Chris Anera. C'est très simple, c'est Chris Anera partout, sur Twitter, sur Instagram, mon site internet aussi, chrisanera.com, qui est mis à jour régulièrement. Et là, vous avez toutes mes actualités, mes titres, les nouveaux, les anciens, ce qui se passe, etc. Et nous, sur la page Arc Music, Arc Info, bien sûr, sur Facebook également, et bien nous relayerons tout ça, évidemment. Et pour terminer, moi, il n'y a rien de tel qu'écouter I'd Cross the Oceans. I'd Cross the Oceans. Tu dis que c'était mieux l'anglais, Sébastien. je le dis hors antenne, mon anglais. Je vais appeler un prof hors antenne. Il faut faire quelque chose. I'd Cross, voilà, on va dire le début, I'd Cross. C'est bon, I'd Cross. Et moi je fais la suite, The Ocean. Voilà. The Ocean. On va faire un featuring quoi. Et ben voilà, on va pouvoir faire du featuring. Je reste avec ma voix française, mais il paraît que c'est italienne, espagnole. Les anglo-saxons, voilà. C'est charmant l'accent français. Donc, tu crois que j'ai. Il paraît. Peut-être sûr avec les anglo-saxons. J'aurai mon succès là-bas. C'est ça. Ah ben alors j'y vais tout de suite alors. C'est possible. Hein. Ben, grand merci à toi Chris, bon courage pour la suite et donc I'd Cross the Ocean tout de suite sur Arc-en-Ciel. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous, merci. Au revoir. I fly to heaven, I follow the stars that cross the Derrière moi, Chris Anera, I Cross the Ocean. C'est ça, Emilie, hein? C'est ça, c'est mieux. C'est mieux, je me suis entraîné tout le long du morceau.